T-I-B-O-U-G. Ouais. L-C-C. Ok. Ok. Tout comme la douleur, pour les connaisseurs, ça peut être un sentiment, une chose ou une personne. Ok, ça fait un. Ok. Pour une fois, je prends un stylo sans paraître insolent. Je viens devant le micro pour parler en son nom. Depuis le temps que je l'expose, y'a pas eu de remerciements. Ce matin, elle m'a dit fais quelque chose avant de faire un single. Fais signe de ma présence qu'on t'accorde pas tous les mérites. Oh, Tibougui existe à cause de ta schizophrénie. Dis-leur qui était là dans les pires moments de ta vie. Dis-leur qui t'a soulagé le jour où elle est partie. Quand tu fais tes conneries, c'est moi qui te pousse à t'excuser. C'est moi que tu viens voir quand t'as besoin de tout quitter. Je ne veux pas la bague au doigt car je fais partie de ta personnalité. Mais si je n'étais pas là, personne saurait quitter. Faisons la part des choses et écris un texte pour moi. J'espère pour toi, pour ça tu ne prendras pas de pourboire. Même si tu le voulais, tu pourrais pas me dire dégage ta race. T'as une rage en toi que t'évacues à travers moi. Si tu n'étais pas là, je serais sûrement dans le débarras. On devient inséparables et les gens ne parlent que de toi. Toujours seul dans la pénica, personne me voit dans cet état là. Je n'ai pas besoin de la green card du moment que tu restes là. Ma plume, ma plume, ma plume. Mais assez dur dans le synthé. À travers toi, j'arrive à m'exprimer. Si tu n'étais pas là, je ne sais pas comment je ferais. Demande-toi qui était là pour toi dans les moments de joie ou dans les moments où tu perdais la foi. Quand j'avais besoin d'exprimer ce que je ressentais dans mon passé. Quand j'ai perdu ceux qui pour moi ont vraiment compté. Je ne pouvais pas le raconter, elle le faisait à ma place. Dans les moments où je n'ai pas su m'exprimer. Et vivre sans elle, je ne peux pas l'imaginer. Elle m'offre des belles phrases ou ces putains de poèmes imagés. Je ne pourrais jamais la remercier, encore moins faire ses beaux phrases. Et sans elle, mon cœur ne pourrait même plus palpiter. Elle écrit toutes ses lettres de douleur car mon cerveau l'y a forcé. Même si quand j'écris je suis seul, elle est toujours à mes côtés. Je parle de ma plume, moi sans elle c'est comme la terre sans la lune. Si tu pars je serai sans rancune. Je t'ai forcé à écrire ces versets pour au final faire ce CD. Si tu n'étais pas là je serais sûrement dans le débarras. On devient inséparables et les gens ne parlent que de toi. Toujours seul dans la pénica, personne me voit dans cet état là. Je n'ai pas besoin de la green card du moment que tu restes là. Ma plume, ma plume, ma plume. Mais assez dur dans le synthé. À travers toi, j'arrive à m'exprimer. Si tu n'étais pas là, je ne sais pas.